Ils bâtissent des trônes de poussière, couronnes fragiles dans la lumière. Moi je reste droit dans l'orage, un homme vrai, sans camouflage. Les faux prophètes parlent trop fort, chaque mot sonne comme un corps mort. Leur foule s'incline sans réfléchir, des idoles creuses qu'ils veulent servir. Moi je n'ai pas besoin de masque, chaque phrase est lourde, sans phare ni frasque. Rider skill marche, frein éclair, un chemin tracé dans la poussière. Répète l'écho des anciens, des chaînes forgées par leurs mains. Chaque mensonge nourrit leur foule, chaque reflet devient une houle. Mais moi je parle avec franchise, ma voix est feu, ma route est grise. Ride ce qu'il renaît dans vos ombres, ma vérité ne se sauve. Cachez vos failles dans des miroirs, mais vos couronnes brûlent dans le noir. Moi je marche honnête et fort, chaque cicatrice devient ressort. Dans la brume, chaque mensonge finit en écume. Rider skill vit, légitime et vrai, un feu qui brûle, qui ne s'éteint jamais.